L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La présence de galaxies massives seulement quelques milliards d'années après la singularité initiale pose de nombreuses questions aux astrophysiciens, parmi lesquelles, comment ont-elles pu agglomérer suffisamment de gaz moléculaire froid pour former aussi rapidement quantité d'étoiles et grossir aussi vite ? Une étude parue cette semaine dans Science fournit un début de réponse à cette question cruciale. Björn Emmons de l'Instituto Nacional de Tecnica Aerospaciale à Madrid et ses collaborateurs internationaux, dont des chercheurs français, rapportent des observations qu'ils ont effectuées sur une galaxie massive emblématique de l'univers jeune, la galaxie de la toile d'araignée, qu'on appelle aussi MRC 1138-262, une grosse galaxie située 3 milliards d'années après le Big Bang. Les astrophysiciens y mettent en évidence la présence d'un très vaste réservoir de gaz moléculaire à son voisinage, du gaz comportant de grandes quantités de monoxyde de carbone, ce qui signifie qu'il s'agit de matière provenant d'étoiles précédentes, du gaz recyclé. Et ce réservoir alimente la formation de nouvelles étoiles dans la galaxie Spiderweb. La galaxie Spiderweb, ou la galaxie de la toile d'araignée, n'est pas n'importe quelle galaxie. C'est la galaxie la plus massive que l'on connaisse à cette époque cosmologique, dans les 3 premiers milliards d'années. Elle se trouve en pleine période de production d'étoiles. Elle doit son nom amusant à sa morphologie particulière. La galaxie de la toile d'araignée se situe au centre d'une zone de près de 350 000 années-lumière d'émission UV diffuse, ressemblant à une toile dans laquelle seraient prises au piège quelques dizaines de petits insectes sous la forme de petites galaxies. Rappelons que l'évolution des galaxies est caractérisée, d'après les modèles dominants, par une première phase de production intense d'étoiles à partir de condensation de gaz, qui aurait lieu durant quelques milliards d'années, puis ce grossissement se calmerait fortement pour laisser la place à une période de fusion successive entre galaxies, menant finalement aux galaxies géantes que nous connaissons dans l'univers actuel. Mais cette image d'évolution est toujours débattue aujourd'hui, notamment à l'aune des observations étonnantes de ces galaxies déjà très massives dans l'univers jeune. Le problème réside dans le fait que pour soutenir une formation intense d'étoiles de l'ordre de 100 par an, la galaxie en question doit disposer d'un réservoir constant de gaz froid. Or, les meilleures simulations ne parviennent pas à produire ce type de source de gaz. Le gaz froid primordial ne peut pas jouer ce rôle, simplement car en s'écoulant entre les galaxies pour tomber vers la galaxie massive, ce gaz froid s'échauffe par friction, et ce jusqu'à plusieurs millions de degrés, en formant un halo de gaz chaud. Pour se condenser en étoile, le gaz doit être froid, et le gaz chaud, lui, peut prendre plusieurs milliards d'années pour se refroidir. L'équipe de Björn Emmons a utilisé deux types d'observations radio-interférométriques, à différentes résolutions. Tout d'abord avec le Australia Telescope Compact Array, le ATCA, durant 90 heures d'observation en basse résolution. Puis avec le Carl Jansky Very Large Array, le radiotélescope américain, avec 8 heures d'observation à haute résolution. Les astrophysiciens ont imagé la région de la galaxie Spiderweb dans une longueur d'onde particulière, donc de la molécule de CO, sur environ 250 000 années-lumière autour de la galaxie massive. La cartographie du monoxyde de carbone montre que seulement un tiers du gaz détecté se trouve dans la galaxie centrale. Les deux tiers restants constituent un vaste réservoir situé entre les galaxies du groupe qui s'étend sur plus de 200 000 années-lumière. Des étoiles semblent par ailleurs se condenser à partir de ce vaste réservoir au taux de plusieurs centaines par an avant de tomber dans les couches externes de la galaxie. Comme du monoxyde de carbone, c'est-à-dire des molécules composées d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène, est présent dans ce gaz froid, ce dernier est forcément, au moins en partie, issu d'un recyclage de matière provenant d'étoiles d'une génération précédente. Or, il se trouve que le gaz expulsé des étoiles est initialement très chaud et ionisé, et rejoint donc le halo galactique de gaz chaud. Mais les chercheurs expliquent que la vitesse de refroidissement du gaz est beaucoup plus rapide lorsque des éléments lourds, c'est-à-dire plus lourds que l'hydrogène, y sont présents. Le gaz recyclé peut alors permettre que de la matière froide précipite au pourtour d'un halo de gaz chaud et fournisse un réservoir important pour la production d'étoiles. Même si cette observation d'un vaste nuage de gaz moléculaire froid recyclé aide à résoudre le problème de la croissance trop rapide des galaxies massives, elle soulève néanmoins d'autres questions. Comment cette quantité de gaz recyclé s'est-elle retrouvée là? Par quel mécanisme? Et la galaxie Spiderweb est-elle un cas très particulier? Ou bien le phénomène observé est-il commun? Pour en savoir plus et pour répondre à ces nouvelles questions, les astronomes vont devoir trouver d'autres cas semblables à cette galaxie laboratoire. L'article de Bjørn Emmons et ses nombreux collaborateurs est paru dans Science, le volume 354, daté du 2 décembre 2016, et il a pour titre « Molecular gas in the halo fuels the growth of a massive cluster galaxy at high redshift ». Un gaz moléculaire dans le halo nourrit la croissance d'une galaxie massive à haut redshift. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des galaxies lointaines se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud et sur Stitcher. Et toujours sur le blog, bien sûr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, même dans ce froid glacial, et les pieds sur terre. Allez, salut !